ce regard qui pétille, là tout au fond de tes pupilles, où l'on peut te voir sans tes armes. Ferme les yeux, petite femme, ne laisse plus l'aventurier s'y plonger. Fille dans tes rêves l'on peut dire, semer mille frissons, aussi mille questions. La peine et le bonheur sont parfois si voisins, et sont parfois si loin le cœur et la raison. Petite fille, au cœur chagrin, tu connaîtras d'autres matins. Petite fille, au rêve heureux, garde ton cœur aventureux. Que sais-tu de ces jours pas encore advenus? Que connais-tu du monde, toi que l'on m'a blessé? Que sais-tu de la ronde des hivers des étés? Petite fille, au cœur léger, tu connaîtras d'autres baisers. Petite fille, au rêve heureux, garde ton cœur aventureux. Petite fille, au cœur léger, tu connaîtras d'autres baisers. Petite fille, au rêve heureux, garde ton cœur aventureux. Tu sais l'appel du vent dans tes raisons curieuses, le rire des étoiles dans le berceau des cieux, claquant comme une voix et sa chanson heureuse. Petite